Le Seigneur est la chair. Oh, c'est la chair. C'est la chair. C'est pas vous qui vous combattez là-bas. Sauveur, sauveur, sauveur, sauveur est